Nous saluons chaque frère, nous saluons chaque sœur avec joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimia kila ndugu, tunasalimia kila dada, na fura katika jina la Bwana Yesu Kristo. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout. Bila gawia, taweza kusimama. Nous ouvrons nos Bibles. Tunafungua Biblia yetu. Ephésiens chapitre 1. Wa Efeso sura ya kwanza. Nous commençons par du verset 3. Kuanzia mstari ya 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Abarikiwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Ula litubariki kwa maina zote ya baraka ya kiroho. Dans les lieux célestes en Christ. Mahali ya mbingu ndani ya Kristo. En lui. Ndani yake. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mungu alituchagua mbele ya misingi ya dunia ipate kuwekwa. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ili tupate kuwa watakatifu na bila kemeo mbele yake. Il nous a prédestinés dans son amour. Katika upendo yake alitangulia kututayarisha. À être ses enfants d'adoption. Tupate kwa batoto yake bale Mungu alikubali. Par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo, selon le bon plaisir de sa volonté, kufuatana na kutaka kwa mapenzi yake, pour célébrer la gloire de sa grâce, juu ya kushangilia utukufu ya neema yake, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, ili alitupatia sa faida ndani ya yule mpendwa. Que Dieu ajoute des bénédictions à l'écoute de sa parole. Mungu aongeze baraka yake kusomea neno. Je vais prier. Nitaomba. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia, tu nous bénis, tu nous bénis. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Tu nous guéris. Merci Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Mon frère, ma sœur, yangu, dada yangu, si tu as une requête, lève seulement ta main. Kama uko na hitaji, amuka tu mkono yako. Et nous allons prier le Seigneur. Na tutamuomba Bwana. Notre Dieu et notre Père. Mungu wetu na baba yetu. Par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Tu nous as réellement appelé à toi. Hakika kweli ulituita kwako. pour que nous soyons tes enfants d'adoption. Afin que nous puissions célébrer la gloire de ta grâce. Dont tu nous as favorisés. C'est vrai. Nous n'avons rien mérité. Mais par Jésus-Christ, tu nous as favorisés. C'est ainsi que ce soir, par Jésus-Christ, regarde chaque frère, regarde chaque sœur, avec des yeux compatissants. Nous n'avons pas un autre Dieu auprès de qui nous pouvons aller. Le seul que nous avons, c'est toi Seigneur. Et comme tu nous as dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés. C'est pourquoi ce soir encore, nous sommes venus à toi. Nous sommes fatigués, nous sommes chargés. Dans ton amour, souviens-toi de chaque frère. Dans ton amour, souviens-toi de chaque sœur. Si tu ne nous aides pas, qui va nous aider? Si tu ne nous sauves pas, qui va nous sauver? Si tu ne nous délivres pas, qui va nous délivrer? Si tu ne nous remplis pas du Saint-Esprit, qui va nous remplir? Oh Dieu, je sais que ce soir, bien aimé, à travers le monde entier, tu es en train d'accomplir ton œuvre aussi. Si tu vas venir quelqu'un, quel que soit l'endroit où il peut être, souviens-toi aussi de ma soeur qui est ici, souviens-toi aussi de mon frère qui est ici. Si tu vas venir en ce jour quelqu'un, quel que soit l'endroit où il pourra être, souviens-toi aussi de ton peuple qui est ici. Ne passe pas à côté Seigneur sans venir ma soeur qui est ici. Ne passe pas à côté Seigneur sans venir mon frère qui est ici. Merci, ô Dieu. Nous venons de lire une portion de l'Écriture. Que ton esprit, Seigneur, nous parle. Nous parle par ta parole. Afin que, Seigneur, nous puissions vraiment manifester cette parole. Béni chacun d'entre nous. Soit avec nous. Du début jusqu'à la fin. Que nous tous se fassent pour la gloire de ton nom. Ton nom puissant. De notre Seigneur. Et Sauveur Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Abarikiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Qui nous a bénis. Ulale tubariki. De toute bénédiction spirituelle. Na maina zote ya mabaraka. Dans les lieux célestes en Christ. Mahali ya mbingu ndani ya Kristo. En lui. Ndani yake. Dieu nous a élus Mungu, avant la fondation du monde. Mungu alituchagua mbele ya misingi ya dunia ipate kuwekwa. Il nous a élus en qui? Alituchagua ndani ya nani? Il nous a élus en qui? Alituchagua ndani ya nani? En lui. Ndani yake yeye. En lui. Ndani yake. En lui Jésus. Ndani yake Yesu. Dieu nous a élus. Mungu alituchagua avant la fondation du monde. Ya misingi ya dunia ipate kuwekwa. Ili nous soyons saints kwa watakatifu et irréprochables na kemeo devant lui. Mbele yake. Il nous a prédestinés. Alitangulia kututayarisha dans son amour. Katika upendo wake à être ses enfants d'adoption. Ipate kwa batoto yake bale Mungu anakubali. Par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Amen. Amen. Selon le bon plaisir de sa volonté. Kufuatana na kutaka kwake yeye mwenyewe. Pour célébrer kushangilia la gloire de sa grâce. Utukufu ya neema yake. Dont il nous a favorisés. Ile alitupatia dans le bien-aimé. Ndani ya yule mpendwa. Si vous prenez encore le verset 7. Kubeba vile vile andiko ya mstari 7. En lui. Ndani yake. En qui? Ndani ya nani? En lui, ndani yake, nous avons la rédemption tuko na ukombozi, par son sang, kupitia damu yake, le pardon de péché atiliwa mazambi, selon la richesse de sa grâce, kufuatana na utajiri ya neema yake. Amen. Amen. Que Dieu a répandu abondamment sur nous. Ile mwanga, ile Mungu alimwanga katika utele juu yetu. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Kwa aina zote ya hekima na akili. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Alitujulisha siri ya kutaka kwake. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Kufatana na kutaka kwa makusudi yake ile yeye mwenyewe alitunga ndani yake. Si vous prenez encore le verset 11. Mkubeba vile vile mstari wa 11. En lui. Ndani yake. Toujours en qui? Paka ndani ya nani? Ya Christ. Toujours en qui? Paka ndani ya nani? Ya Christo. En lui. Ndani yake. Dieu nous a élus avant la fondation Mungu du monde. Mungu alituchagua mbele ya misingi ya dunia ipate kuwekwa. Si vous prenez verset 7. Mkubeba mstari wa 7. En lui. Ndani yake. Nous avons la rédemption par son sang. Tuko na ukombozi kupitia damu yake. Si vous prenez le verset 11. Mkubeba mstari wa 11. En lui. Ndani yake. Nous sommes aussi devenus héritiers. Tunakuwa vile vile warithi. Ayant été prédestinés. Wale walitangulia kutayarishwa. Suivant le plan de celui qui opère toute chose d'après le conseil de sa volonté. Kufuatana na mpango ya ule konafanya kazi yote kufuatana na shauri yake ye mwenyewe. Si vous prenez encore le verset 13. Ukibeba vile vile tena mstari wa 13. En lui. Ndani yake. Vous aussi. Mwe vile vile. Après avoir entendu la parole de la vérité. Kisha kusikia neno la ukweli. L'évangile de votre salut. Injili ya wokovu yenu. En lui. Ndani yake. Toujours en qui. Paka ndani ya nani? Bonjour en qui? Paka ndani ya nani? Bonjour en Christ. Paka ndani ya Kristo. Ndani yake. Ndani yake. Ndani yake. Ndani yake. Si nous pouvons bien comprendre. Kama tunaweza kuelewa mzuri. C'est là que nous comprendrons aussi. Ndio pale tutaelewa vile vile. Même l'adoption c'est quoi? Hata kukubaliwa kwa mwana ni nini? Nous avions contourné. Tulipita pembeni. C'est comme nous chantons. Paka vile tunaimba. Nilitoka kwa mwokozi wangu, sasa narudia. Nikapita mudunia chafu, sasa narudia. Narudia, sasa narudi, mwokozi wangu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? On ne chante pas pour chanter. Afi medio akwimba. Je suis passé dans le monde. Nilipita mudunia. Mais maintenant. Lakini hapa sasa. Je suis en train de retourner. Niko mkurudia. Je retourne où? Nina rudia wapi? Je retourne là où j'étais. Ya kule nilikuwaka. Amen. Amen. Je retourne là où j'étais. Narudia kule milikuwaka. Parce que Dieu, si Dieu nous a élus avant la fondation du monde, mbele ya misingi ya il nous a pas élus dans le monde. Il nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Mbele ya dunia ipate ma place c'est où? Vazi yangu ta place c'est où? Vazi yako ni wapi? Fashi yako ni wapi? Fashi yako ni ndani ya Yesu. En Jésus Christ. Amen. Amen. C'est ça ma place. Je pas yangu. C'est là où Dieu veut nous placer. Je Mungu anapenda kutuweka. C'est là où Dieu veut nous placer. Je Mungu anapenda kutuweka. Dieu veut nous placer Mungu en Christ. Anapenda kutuweka ndani ya Kristo. Parce que c'est en Christ qui nous a élus. Ni ndani ya Kristo ndio Mungu alituchagua. Amen. Amen. Avant la fondation du monde. Mbele ya dunia ipate kuwa. Avant que le péché soit là. Mbele ya dhambi ipate kuwa. Dieu nous avait déjà élus. Alitangulia kutuchagua. Ndani ya Yesu Kristo. Mais quand le péché est entré. Dhambi ingia. Le péché a mis en cause. Ikaweka tena ikavunja. Le péché a mis en cause. Bunja, le destin de Dieu. Makusudi ya Mungu. Le péché a mis en cause le plan de Dieu. Maku ya Mungu. Mais Dieu n'a pas croisé les bras. Mungu akukunja mikono. Dieu n'a pas croisé les bras. Mungu akukunja mikono. C'est comme Abraham. Musa Ibrahimu. Dieu lui a dit. Mungu alimonesha. Ta femme Sara. Mke wako Sara. Aura hein? Atapata mwana. Ta femme Sara aura un fils. Sara mke wako atapata mwana. Lakini par raisonnement, au lieu que pratiquement ils puissent se contenter de ce que Dieu avait dit, ils se sont approchés à travers Agar. Par Agar, Abraham a eu un enfant. Est-ce que Dieu avait croisé les bras? Dieu n'a pas croisé les bras. Dieu a encore travaillé pour que ce qu'il avait dit puisse toujours s'accomplir. Même si nous sommes tombés dans le péché, Dieu n'a pas croisé les bras pour dire que c'est fini. Dieu a travaillé pour nous ramener dans ce que lui avait fait, que le diable a mis en cause. Vous êtes là? Et tu c'est clair? Et tu vous comprenez pourquoi nous venons à l'église? Vous comprenez pourquoi nous continuons à prêcher? Dieu n'a pas croisé les bras. Le diable a tout dérangé. Bon, Dieu n'a pas dit. Bon, comme le diable a tout dérangé. Viens de Pacaville. Que ça puisse évoluer comme non, ça. Non. Je te dis ce soir, ma soeur. La vie que tu vis là, c'est une volonté permissive. Ce que tu es là, c'est la volonté permissive de Dieu. Et aujourd'hui, par ce message, je veux te faire entrer dans sa volonté parfaite. La vie que nous avons, volonté permissive. Ismaël était né. Ismaël Alizali quoi. C'était la volonté permissive. Ah, il quoi, il m'a fait dire que Dieu avait tué Ismaël. Et Ismaël. Dieu ne l'a pas tué. Mungu atikumua pana. Et toute volonté permissive. Na mapenzi yote ya kuruhusiwa. C'est un échec. Ni kushindiwa, ni kushindwa. Toute volonté permissive, tout ce qui est produit de la volonté permissive, c'est un échec. Même si vous le justifiez, même si vous voulez pratiquement maquiller ça, c'est un échec. Amen. Amen. Et Dieu, Namungu, il veut nous ramener. Nous ramener dans notre position. C'est pourquoi nous parlons de l'adoption. Amen. Amen. Nous avions contourné. Tulipita pembeni. Nous sommes entrés dans le monde tulingia mudunia en contournant la parole de Dieu. Mkupita pembeni ya neno la Mungu. Et là, on a commencé à vivre la volonté permissive avec toutes les conséquences de la volonté permissive. Na pale tukaanza kuishi mapenzi ya kuruhusiwa na matokeo yote ya kutokea kwa mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi mes frères et sœurs. Tukana bandukana badada yangu. Le message biblique du temps de la fin. La Biblia hiyo wakati ya mwisho. C'est un message qui nous amène l'adoption. Ni ujumbe unatuleta mkutufikisha mkuu wa wana. C'est un message. Ni ujumbe qui manifeste vraiment les véritables enfants de Dieu. Ile inaonekanisha kweli kweli watoto wa kweli wa Mungu. Le message biblique du temps de la fin. Ujumbe Biblia wakati ya mwisho. C'est un message qui est au-dessus. Ni ujumbe yenye kwa yule. C'est pourquoi nous sommes dans l'âge de l'aigle. Comme qui dit Antai. Nous sommes dans l'âge de l'aigle. Nous devons être au-dessus et très loin. On ne doit pas s'embrouiller avec les histoires de la terre. On ne doit pas s'embrouiller avec tout ce que les gens sont en train de faire. Si les gens vivent comme ils veulent, nous ne devons pas vivre comme nous voulons. Si les gens font n'importe quoi, ils vivent dans la boisson, ils vivent dans la vulgaire, ils font tout ce qu'ils veulent faire. Nous retirons de toutes les choses. Même un enfant. Ata mutoto. Même un enfant. Ata mutoto. Quand il reçoit ce message. Wakati anapokea ujumbe. Il devient sage. Anakuwa hekima. Il saura comment se comporter. Atajua namna kujiongoza. Même un enfant. Ata tu mutoto. Quand il reçoit ce message. Wakati anapokea ujumbe. Il devient sage. Anakuwa hekima. Et on va le respecter. Na watamheshimia. On va le respecter. Watamheshimia. Même les professeurs vont le respecter. Ata walimu yake watamheshimia. C'est qui le rend sage. Ile anampa kwa hekima. C'est la parole de la vérité. Ni neno la ukweli. Vous connaîtrez la vérité. Utajua ukweli. Et la vérité. Ukweli. Vous affranchira. Kwa uru. Et quand nous essayons de voir, cependant, il y a un chaos. Il y a un chaos qui s'est déjà installé. Et c'est pourquoi il n'y a pas vraiment beaucoup plus d'adoption. A-t-on obligé à cuire n'importe comment? Nous ne sommes pas obligés de vivre à Izunamna Gani, à Pana. A-t-on obligé à cuire n'importe comment? A-t-on obligé de parler n'importe nous comment? Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple qui est dans le destin de Dieu. Mon frère, qui n'est pas seulement dans le plan de la création, mais aussi dans le plan de la rédemption. Et c'est avec toi que Dieu est engagé. Son plan de rédemption. Nous sommes dans le temps d'achèvement. Mon Dieu, tout ça dit ça. Que Dieu nous aide tellement. Amen. Amen. En lui. Daniaki. En lui. Daniaki. En lui. Daniaki. C'est ça notre place. Je passe tout. Galates nous dit ceci. Bon, Galatia Anthony Saizi. Galates chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est héritier, mais il est encore enfant. Donc Dieu ne veut pas qu'on demeure dans l'état d'enfant. Un enfant nous est donné, mais un enfant nous est né. Mutoto anazali kwa kwetu. N'est-ce pas? Et un enfant nous est né. Mutoto anazali kwa juu yetu. Mais un fils nous est. Lakini mwana anatu pewa. Un fils lakini nous est mwana anatu, donné. Anatu pewa. Un enfant nous est né. Mutoto anazali kwa juu yetu. Mais un fils nous lakini est. Lakini mwana anatu pewa. Il y a deux choses là-bas. Un enfant nous est donné. Et un fils nous est donné. Jésus-Christ. Quand il demeurait dans l'état d'enfant. Je crois que tu voulais ta boca. Il ne faisait pas peur. Il coupait les bras. Il pouvait aussi. Il n'avait rien. Il n'y avait pas de problème. Mais quand il est devenu fils. Quand il est devenu fils. Le diable était troublé. Le diable était troublé. Le diable voulait l'éliminer. Parce que, en tant que fils, il devrait accomplir maintenant la mission que Dieu lui avait donnée. Un fils est utile. Un enfant. Mutoto. Nous allons toujours t'envoyer. L'état maï. Apporte de l'eau. N'est-ce pas? Etanavile. L'état qui fait qu'il apporte les balais. N'est-ce pas? Etanavile. Fais ceci. Parce que tu es enfant. Mais quand tu deviens fils, tu deviens utile. On a quoi wa mafa. À tout temps, c'est pas que vous nous tellement t'envoyer. Ça, ouais, au temps de vous faire des choses. Tu aider ça, ça veut aider les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu, comment on a élevé les membres. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu, comment on a élevé. Si vous devenez fille, comment on a quoi binti. Tu es enfant de Dieu. Unakuwa mtoto, uko mtoto wa Mungu. Mais si tu deviens fille de Dieu. Lakini ukikuwa binti wa Mungu. A tout temps tena kukutuma. Nous n'allons plus kutavoyer. Oui, autant de choses à tenda. Tu dois commencer à agir. Tu as commencé à ko sasa. Pour aider maintenant wengine. Amen. Amen. C'est ça l'objectif de ce message. Ndio kifukuzio ya hii ujumbe. C'est quoi? On ne doit pas demeurer dans l'état d'enfant. Atuwezi kuendelea na kudumu muali ya butoto. S'il y a des scandales jusqu'aujourd'hui. Kama kukua kubikwazo hata ufika leo. Au milieu des serviteurs de Dieu. Katikati ya watumishi ya Mungu. Les gens qui prétendent prêcher. Bantu walizania kuhubiri. Mais ils apportent des scandales. Lakini wanaleta bikwazo. C'est compliqué. Ni ya magumu. Comment est-ce que vous allez amener les gens à la perfection si vous-même vous n'êtes pas perfectionné? Je utapeleka batu kukamilifu kama wewe mwenyewe una mkamilifu? Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Wakati wote murite ngali mutoto. J'ai dit que. Ninasema kusema. Il ne diffère en rien d'un esclave. Asi atane mukito ataki moya na mutumwa. Quoi qu'il soit maître de tout. Ata vile yeye njo mwenye vyote. Mais il est sous des tuteurs. La kine ko yula ba, yuko chini ya bantu wa kumongoza. Et des administrateurs. Na wazamini wa ungozi. Jusqu'au temps marché par le père. Ata ufo wakati ni baba yu mnyali chapanga. Nous aussi, vile, de la même manière, moya, lorsque nous étions enfants, watoto, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Chini ya butumwa, ya ya chini tu ya idunia, mais, lakini, lorsque les temps ont été accomplis, wakati lienea, Dieu Mungu, a envoyé son fils, akatuma mwana wake, né d'une femme, né sous la loi, il rachète. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Afin que nous recevions. Afin que nous recevions quoi? Est-ce que vous pouvez répondre? Afin que nous recevions quoi? Donc nous avions été rachetés. Pour être ili tupate adulte. Kuya tukubaliwe sawa kuwa bana ba Mungu. Voilà, c'est ça le terme. Njo msemo. Répète un peu. Ili tupate kukubaliwa kuwa wana wa Mungu. Kukubaliwa. Être adopté. Donc Mungu anakuchika. Dieu t'accepte. Mungu anakuchika sema hakika. Tu es mon enfant. C'est lui qui est pratiquement l'initiateur de la foi. Lui-même, c'est bien lui-même qui est le consommateur. Je dois marcher. Je dois travailler. Je dois combattre. Je dois renverser. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un problème de pointer les bras. Je dois travailler. Dieu m'attend quelque part. Est-ce que vous comprenez? Il m'attend quelque part. La chose impossible que je ne pouvais pas faire, c'était me sauver. La chose impossible que l'homme ne pouvait pas faire pour son frère, c'était le sauver. Dieu lui-même a pris la responsabilité pour nous sauver. Après qu'il nous ait sauvés, il nous donne deux agents. Il nous donne deux agents. La parole de la vérité et le Saint-Esprit. Il dit maintenant, avec la parole de la vérité et le Saint-Esprit, travaillez maintenant. Vous venez à l'église, vous écoutez la parole, survivez de la parole, parce qu'il n'y a aucun enfant de Dieu qui n'a pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi l'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Kama mina landa, roho ya Mungu ndani yangu, itasema una landa. Mais aujourd'hui, lakini leo, nous avions perdu même la conscience chrétienne. On devient indifférent. C'est quoi aujourd'hui? On a beaucoup de péchés inconfessés. Ton cœur, c'est pas pour garder le péché. Ton cœur, c'est pour garder la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Racheter. Wenye kununuliwa. Pour que nous puissions recevoir quoi? Ili tupate kupokea nini? Racheter pour que nous puissions recevoir quoi? Ili tupate kupokea nini? L'adoption. Ali ya kukubaliwa ama wana wa Mungu. Ainsi, hivi basi, le point central du message biblique du temps de la fin. Kimo yenye ya msingi sana ya hii ujumbe wakati ya mwisho. Sortez du milieu d'eux. Tokeni katikati yao. Séparez-vous. Mutengane. Dit l'Éternel. Comme il est la mesema. Ne touchez pas ce qui est impur. Voyez quoi cha uchafu. Na. Je vous accueillerai. Vous serez pour moi. Mutakuwa kwangu. Des fils et des filles de Dieu. Dit le Seigneur. Bwana amesema. C'est ça non? C'est ça non? Jovile. Nous tous nous étions dans des dénominations. Nous étions dans le monde. Tu crois mudunia, mais nous sommes sortis. La tini tukatoka. Nous sommes sortis pourquoi? Tukatoka Dieu anini. Nous sommes sortis. Tukatoka. Pour que Dieu nous agrée. Mungu atukubali. Nous sommes sortis. Tukatoka. Pour que Dieu puisse nous agréer. Tukubali. Akutakuya batoto wa Mungu. Il n'y aura pas d'enfant de Dieu. Bamuali le Mungu anapenda anapenda. Dans l'état où Dieu veut. Kupita moya bamukwapa. Qui dépasseront ceux qui vont être. Na Mungu kambo. Vous qui êtes ici ici à Kambo. Benye vale Mungu akunaangalia. C'est que Dieu regarde. C'est vous qui êtes ici. Amen. Amen. Mungu Dieu pour te certifier que tout ce que j'ai promis aux élus je le ferai la garantie que Dieu nous a donné il a pris son propre fils il a immolé il a versé de son sang c'est à dire anaangalia. Il a regardé. Même si on te tapait à gauche, on te tapait à droite. Étant donné que tu es élu, que Dieu regarde au sacrifice, il te dit que je n'ai pas de mission. C'est pour de lui, c'est que je lui ai promis. Lorsque le temps a été accompli, wakati wakati l'yenea, Dieu, Mungu, a envoyé son fils, akatuma mwana wake, né d'une femme, na mwanamke, né sous la loi, na sheria, afin qu'il rachète, ili apate ukomboa, ceux qui étaient sous la loi, katina sheria, afin que ili nous recevions l'adoption. Tupate kupokea hali ya kukubaliwa kuwa wana wa Mungu. Afin que nous recevions, ili tupate kupokea, et parce que nanju vous êtes fils. Mukobana. Dieu a envoyé dans nos cœurs. Mungu alituma ndani mioyo yetu. L'esprit de son fils. Roho ya mwana wake. Lequel crie. Ile kuna lalamika. Abba. Abba baba. Ainsi. Ivi. Tu n'es plus esclave. Auna kamwe mutumwa. Tu n'es plus esclave. Auna kamwe mutumwa. Mais. Lakini. Tu es fils. Uko mwana. Lisons quelque chose. Sommet qui tout moja. Prenons sa prédication. Tout bébé ma obiriake. L'Esprit de Dieu dans cet âge à travers la prédication, la position en Christ. Roya Mungu kupitia ma obiri yulu ya fazi dani ya Christo. Du 22. Il y a le 22. 22 mai 1960. Il y a le 22 mai 1960. Prenons le paragraphe 151. Tu bebe nukta mia moya makumi tano na moja. Un peu en bas. Kule chini kidogo. Vous êtes un fils, bien sûr. Uko akika kweli mwana. Vous êtes une fille. Uko binti. Quand vous êtes né de nouveau. Wakati unazali kwa mara ya pili. Vous l'êtes. Ndio kile uko. Ça c'est votre naissance. Hii ni kuzalikwa kwako. Mais maintenant. Lakini hapa sasa. Vous êtes placé dans votre position. Unawekwa sasa mfazi yenu. Tu es né. Ulizalikwa. Tu es enfant. Tu uko es mtoto. Oui. Ndio. Comme toi, tu es un enfant de Dieu. Ça ne t'arrête pas là. La finalité, c'est quoi? Oui, toi, tu es déjà né. Maintenant, Mungu, on a pas maintenant Dieu doit te prendre. À quoi que maintenant, parfois, tu es maintenant, tu es un que tu avais ta position, que tu avais béni à Dunia et pas tes couacos. Je continue. Nandelea. En lisant. Mukusoma. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte. Atukupoke roya oga oga ya boka boka. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Par lequel nous crions Abba Père. Abba Baba. Ce qui veut dire mana yake, mon Dieu. Mungu wangu. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment le fait-il? Dieu, il est reconnaissant. Comment le fait-il? Il est reconnaissant. Vous dites, gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Alléluia. Alléluia. Ça ne me dérange pas. Il a une zura pana. Je suis un enfant de Dieu. Niko mtoto wa Mungu. Alors, sasa, vous sortez. Unatoka. Faire les choses que vous faites. Unaenda kufanya vile vile unafanya. L'esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Fera les œuvres de Dieu. Itafanya makazi ya Mungu, matendo ya Mungu. Jésus a dit, Yesu alisema, celui qui croit en moi, kunyamini mimi, fera aussi les œuvres que je fais. Vile vile matendo yenyewe unafanya. Amen. Amen. Maintenant, lisons ensuite. On va devoir s'arrêter parce que le temps file. Très bien, le verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté de nous adopter selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il avait formé lui-même ce dessein. Avant la fondation du monde. Combien le comprennent? Combien le comprennent? Le dessein de Dieu qu'il avait formé lui-même avant la fondation du monde, c'est de s'adopter. C'est de s'adopter. Oh là là, oh là là, voilà encore une autre chose. Adameni kitu kingine. Croyez-vous aux dispensations? Et munamini mumakazi ya nyakati. Croyez-vous aux dispensations? Munamini mukazi ya Roho Mtakatifu mawakati. La Bible le dit. Biblia inasema. La dispensation de la plénitude du temps. Kipande ya utele ya wakati. La plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Utele ya wakati maana yake nini? Il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Pourquoi la kipande à wakati ya sheria ya Musa, n'est-ce pas? Et la ville. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. Pourquoi tena wakati ya kazi ya Yohana Mbatizayo, n'est-ce pas? Et la ville. Il y a eu la dispensation de Christ. Pourquoi wakati tena kutumika kwa Kristo, n'est-ce pas? Et la ville. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. N'est-ce pas? Il y a eu la dispensation de l'infusion du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Nous sommes maintenant dans la dispensation de l'adoption. Nous sommes maintenant dans la dispensation de l'adoption. Donc tout mukipande, mukipande, adopté. Je ne sais pas si l'Église comprend. Si nous comprenons, on ne va pas vivre avec légèreté. Si nous comprenons, kama tukielewa, on n'agira pas avec les gens. Atutatenda ovyo ovyo. Parce que Dieu compte sur moi. Tu Mungu ananitumainia mimi. Dieu compte sur toi. Mungu anakutumainia wewe. Dieu compte sur toi. Mungu anakutumainia. Dites amen. Dieu compte sur toi. Mungu anakutumainia wewe. Dieu compte sur toi. Mungu anakutumainia dada yangu. Unako. Kitu atunepala. Mungu atatenda. Dieu ne va pas. Inafai huku yako tu Mungu atende. Que Dieu puisse agir. Nous sommes maintenant dans la dispensation qui pande de l'adoption. Ya kukubaliwa kwa wana wa Mungu. C'est quoi dans la lettre circulaire 18? Njoo kwa mbarua kuzunguka yale 18. Page 1, karatasi ya kwanza. Après que kisha par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, nous ayons saisi l'ensemble du plan de salut que nous apporte la publication de la parole prophétique. Le Seigneur veut nous rendre maintenant capables d'entrer en possession de notre héritage. Il était d'abord nécessaire que kwamba soit publié les doctrines bibliques, mafundisho ya Biblia ipate kutangaziwa, comme fondement pour l'édification de l'ensemble du Seigneur, kama msingi njoo ya ujenzi ya utele yote ya mwili ya Bwana. Maintenant notre prière, sasa maombi yetu, est pareil à celle de Paul, inafanana pamoja na ile maombi ya Paulo, qui demandait que ule alianza kuomba ya kwamba la volonté du Seigneur s'accomplisse, mapenzi ya Bwana ipate kutimilika, en sorte que unamna kusema nous marchons d'une manière digne du Seigneur, ipate kutema munamna kustahili Bwana, en sorte que unamna kusema nous marchons d'une manière digne de son appel, ipate kutembea munamna kustahili, en sorte que nous marchons d'une manière digne de son élection, unamna kusema tutembee munamna kustahili kuchaguliwa naye, na nous vivions de manière ipate kuishi munamna à l'être entièrement agréable, ipate kuwa kabisa kabisa bila kumpendeza l'église comprend kama kanisa inaelewa. Oui, Dieu, puissions-nous tupate porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, tupate kuonesha tukuchukua matunda ya aina yote matendo ya mzuri, croissant benye kukomala par la connaissance de Dieu, kwa ufahamu ya Mungu, et à cet même instant na mwili wakati moja moja, puissions-nous être armés de force, tupate kushikwa na nguvu, et de ferme persévérance à tous égards, na kudumu katika imara manamna yote. Maintenant, hapa sasa, il s'agit ni mambo de notre participation ya ushiriki à l'héritage des saints dans la lumière. C'est notre placement. C'est notre placement dans l'adoption. C'est notre placement dans l'adoption. Kuwa wana wa Mungu. Ma soeur, dada yangu, mon frère, ndugu yangu, est-ce qu'on peut bien comprendre pourquoi nous avions pris ce message? Eh, tu tunaweza sasa kuelewa jua nini tuliamini ujumbe? Est-ce qu'on peut bien comprendre pourquoi nous avions pris ce message? Eh, tu tunaweza kuelewa mzuri jua nini tuliamini ujumbe? Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Yote unasaidia wale wenye kupenda Mungu. Le bien, uzuri. Le bien pour lequel tout concours. Tu ya bila yote unasaidia. Ni kukubaliwa kwetu. Alléluia. Amen. Donc Dieu te veut natumika. Travaille. Mungu akukubali. Puisse t'adopter. Hata kama bana ni chambula. Nasi umutaje. Mungu anapenda kuona. Nitatenda je mwile matushi. Alléluia. Amen. Yote unasaidia kama lufu unaingia, kila mor entre, Mungu wewe unapenda kuangalia, je voudrais voir, utatenda, comment est-ce que tu vas agir, dada, ma soeur, kama bana kushimanga, ils ont te médisé, unashidia sema brefu, et tu attends, tu es informé qu'on t'a médisé, Mungu wewe unapenda kuona, je voudrais voir, utatenda, comment tu dois agir, est-ce que utatenda unamuna ya kufurahisha, de manière à être agréable, wala utatenda unamuna ya kufurahisha, oui, à faire plaisir à ton corps. Église, est-ce que vous êtes là? Et église, mouko apa? Est-ce que vous êtes là? Et kanisa, mouko apa? Est-ce que vous comprenez? Et munaelewa? Amen. C'est ça l'objectif. Njoo kifukuzio. Sortez du milieu d'eux. Tokeni katikati yao. Mon peuple. Taifa yangu. Séparez-vous. Mujitenge. Dis le Seigneur. Bwana amesema. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ce qui est quoi qui est buchafu. Et je vous accueillerai. Na mite mpokea. Vous serez pour moi. Mutakuwa kwangu. Pas des enfants de Dieu. Bana batoto ya Mungu. Vous serez pour moi. Mutakuwa kwangu. Des fils et des filles de Dieu. Na binti ya Mungu. Dis le Seigneur. Bwana amesema. Kwa uwezo yote. Et l'écriture continue. Andiko inaendelea. L'écriture dit. Andiko nasema. Ayant donc de telles promesses. Bwana basi na malako ya hivi. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous, de toute souillure, de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la grâce de Dieu. Si ta voix là n'importe comment, je ne peux pas m'habiller n'importe comment. Non, non, non, non, non. Mystère n'importe où. Je n'irai pas n'importe où. Non. J'ai pas besoin d'avoir un policier. Je n'ai pas besoin d'avoir un policier. Mais il y a un œil qui m'observe, qui m'observe. L'objectif de m'agréer. C'est pourquoi, même si je suis seul en Europe, j'agirai pour être agréable à Dieu. Et quand il y a ça, na wakati kuko bitu ya hivi, mon frère, tu vas voir que autour de toi, tu as kando kando yako, ma soeur, autour de toi, tu as kando kando yako, tu es en train d'entretenir une atmosphère. Uko na leta dalili moja. Et l'atmosphère que tu entretiens, ça va toujours permettre à Dieu de t'accompagner. Ça va toujours permettre à Dieu de t'accompagner. Et quand Dieu est avec toi, tu peux apprendre que la sœur est malade. Quand tu y vas, tu arrives là, ton ombre le couvre. C'est l'atmosphère de Dieu qui le couvre. Et la sœur sera guérie. Voilà où t'as ton cas. Quand tu vas sortir de là, la sœur va dire... Oh. Je sens en moi un changement badirico. Je sens un changement. Dada toi aussitôt que les pieds de la terre ont pris ma maison, les choses ont changé. Mon frère, ma soeur, Mariamu, quand elle avait été visitée, elle a reçu la parole. Il y avait la critique. Mais elle a gardé la parole. Amen. En gardant la parole, elle a dit, je vais aller rendre visite à ma mère Elisabeth. Quand elle est partie, quand elle est entrée, elle a juste parlé. L'enfant qui était mort, l'enfant a bouché. Par toi, je peux amener la restitution dans la vie de ma chair. Par toi, je peux amener la délivrance dans la vie de mon père. Par toi, je peux amener la guérison dans la famille de ma soeur. Église, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous saisissez? Et tu m'as dit qu'on vous lâche, qu'on ne vous arrache pas ça. Bah, tu n'as gagné qui tu? C'est notre placement. Nikuwe kwa kwetu papazi. Dans l'adoption. Mukubaliwa mufazi akukubaliwa kwa wana wa Mungu. C'est pourquoi. Joka mana. Nous ne vivons pas n'importe comment. Si atuishi aizuru namna gani? C'est ma vie, on appelle d'accoucher. Parle comme tu veux parler. Je ne regarde pas à tes propos. Je regarde à Dieu. Amen. Je regarde à Dieu. C'est lui à qui je veux être agréable, c'est Dieu. C'est Dieu qui a un ciel à me donner. C'est Dieu qui a un Saint-Esprit à me donner. C'est Dieu qui a un salut à me donner. C'est Dieu qui a une bénédiction à nous donner. Crains Dieu. Sois agréable à Dieu. Amen. Oui. Dio. Il peut y avoir des déceptions. Unawezi kuwa kushindwa. Il peut y avoir des déceptions. Unawezi kuwa kupatishwa haya. Tu donnes l'argent peut-être à un frère. Unapatia saa zingine fedha ndugu fulani. Le frère prend l'argent. Ndugu anabeba ile franga. Il va, il fait ses histoires avec cette argent. Aende kwa mambo yake na ile franga yako. Hakuna kwani wasema ba frère ba mtabenda kwa mwizi. Hakuna ba mwizi. Nous ne sommes pas des voleurs. Hakuna ba mwizi. Nous ne sommes pas des voleurs. Est-ce que vous écoutez? Et tu nasikia? Hakuna ba mwizi. Nous ne sommes pas des voleurs. Amen. Il faut pas prendre le problème d'une telle personne pour inviter ça à tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde, mais nous sommes les enfants des dieux. Et ça peut être une preuve. Dieu dit, laisse-moi t'éprouver. Et c'était ça tout ce que tu avais comme argent. Tu lui as donné sur base de quoi? Ulumpatia Juani. Tu lui as donné ce sur base de la parole. Ulumpatia kufatana na neno la Mungu. Eh? C'est comme ça. Tu lui as donné ce sur base de la parole. Ulumpatia ni juu ya neno la Mungu. Tu lui as donné, c'est pas seulement c'est dit frère. Tu lui as donné, tu lui as mis à quoi manindugu. Frère, frère en quoi? Ndugu katika nini? Frère en quoi? Ndugu katika nini? Ça, frère en Christ, alors makuta alendana. Maintenant, un frère en Christ, il prend ton argent, il s'en va avec. Écoutez. Ce qu'il disait. Comment bien vous fiez moi ville? Si ça t'est arrivé ainsi, apana kutompo là. Il faut pas te lamenter. Beba mungu, mwanisha mungu asema. Dis tellement à Dieu que kama mimi nimpatia ule frère makuta. J'ai donné à tes frères là l'argent. C'était à cause de toi. Ni juu yako. C'est à cause de toi. Mais ule anakuwa responsable. Mais c'est lui qui en devient responsable. De la perte de ton argent, c'est toi Dieu. Dio. C'est toi qui en deviens responsable. Parce que comme vous voulez, c'est mon canisme. Toi, tu ne l'avais pas amené dans le vide. Est-ce que moi, j'ai les yeux de savoir, que je ne suis pas enfant de Dieu et de l'autre, je ne l'ai pas. Ta sœur, je te vois venir dans le vide. Je te vois prier correctement. Je te vois, tu es dans tous les programmes de l'église. Je ne dirai pas que tu es une fille du diable. Je te vois, tu marches dans la crainte. Amen. Amen. Satan peut-être l'a visité. Peut-être c'est le diable. J'étais un jour me tembeler. Tout, ce sont des épreuves. Chez toi, il y a la famille. Les enfants ont déjà fait 3 jours à jeun. Le frère te donne. 250 dollars. Comme tu vas à l'Ikasi. Paye-moi ça, ça et ça. Amen. Amen. C'est-à-dire, cet enfant de Dieu-là, il est njala, il est comme la famille qu'il y a dans sa maison, c'est aussi une preuve. Nayo, ni jaribu njuu yake. Wana wewe aussi mwenye ulipeleka qui a donné kama ile makuta rapotea cet argent c'est perdu. C'est aussi une preuve. Nayo na wewe ni jaribu kwako. Amen. Amen. Anaweza kufanya semblant. Il peut faire semblant. Mais ça veut dire mutoto wa Mungu. Étant donné que lui c'est un enfant de Dieu. David yake haitakuwa mkutulizana. Un jour. Siku moja. Un jour. Siku moja. Je vais le visiter. Mungu atamtembelea. Et il viendra chez toi. Na atakuyaka kwako. Ndugu yangu. Unirumie. Pardonne-moi. Unirumie. Pardonne-moi. Tu avais trompé. J'ai dit que l'argent était tombé. Ce n'était pas tombé. Dans ma maison, il y avait la famine. J'avais la famine dans ma maison. Je savais pas quoi faire. J'avais une dette. On a failli m'arrêter. Je ne savais quoi faire. J'ai manqué tellement la force de l'Église. Je suis venu vers toi. Pardonne-moi. Vas-tu les pardonner ou pas? Comprenez pourquoi il y a des scandales. Vous comprenez pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Muna elewa basi jua nini Mungu asijionekanishe. Nous sommes sur la terre c'est pour être. Tuko pa dunia ni njuu ya. Nous sommes sur la terre c'est pour être. Tuko pa hii dunia ni njuu ya kujaribiwa. Dieu n'éprouve jamais ce corps. Mungu asijaribuaje kama hii mwili. Parce que le corps ici, imwili, il sait de quoi c'est fait. Anajua na nini. Dieu éprouve la foi. Mungu anajaribu ni imani. Parce que la foi que tu as, imani ile uko nayo, c'est un don qu'il t'a donné. Ni zawadi ile Mungu alikupatia. Et c'est cette foi là que Dieu éprouve. Sasa ni ile imani ndio Mungu anajaribu. Donc ça dit oui, ça fait dans ce voyage, il y a quoi de vers la destinée. D'aller vers kumali ile. Là où Dieu nous attend. Kule Mungu anatongojea. Je suis en train d'éprouver ma foi. Eko mkujaribu imani yangu. Je suis en train de dire. Niko mkusema j'ai reçu la parole de la vérité. Je suis en train de dire. Voilà, je suis en train d'attendre. D'aller au ciel. Oui. Nous le disons. Mais il a image. Mais cette fois-là, Dieu va éprouver ça. Mungu ataijaribu. C'est quoi, il laisse toutes choses. Devenir un peu difficile. Il et il avait commencé par dire lui-même. Mais lui dit expressément. Que dans le dernier jour, les temps seront. Yanguvu. Dieu ne pique pas. L'esprit dit roi konasema wazi wazi makusudi que les derniers jours ya kama siku ya mwisho seront de temps itakuwa kama nyakati les gens seront bantu batakuwaka egoiste bachoyo Dieu l'avait déjà dit les gens seront bantu batakuwaka fanfaron ba majivuno ba kujizania les gens seront bantu batakuwaka cupide ba kupenda franga les gens seront ennemis des gens de bien. Les gens seront. Dieu a déjà. Mungu alisha semaka. Tout cet état que nous voyons. Ce sont aussi les épreuves de notre foi. Navio ni majaribu ya imani yetu. Alors dans tout ceci, toi, comment est-ce que tu agis? Ne pêche pas parce que t'es la pêcheur. Ushitende zambi juu fulani alitenda zambi. Ne pêche pas parce que t'es la pêcheur. Ushitende zambi juu fulani alitenda zambi. Si on te tape ici. Bah, il faut prier pour vous mais. Nyosha na kushoto. On ne va pas te taper. Abata wezi kukupika tena. Si on te tape ici. Bah, kukupika kuhume. Peleka na kushoto. Et si tu fais ça. Na ukifanya vile. On ne va pas te taper. Abata wezi kukupika. Dieu va descendre. Mungu atashuka. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide tant. Ainsi. Ivi basi. Qu'est-ce que l'adoption? Kukubaliwa kwa mwana ni nini? Placé, n'est-ce pas? Kuwekwa. En lui. Ndani yake. En lui. Ndani yake. Dieu nous a élus. Mungu alituchagua. Est-ce qu'il n'y a pas une boîte de décret? Et hapa kuna ku carton moya ya pemba. En lui. Ndani yake. Dieu nous a élus. Mungu alituchagua. Par ton père et ta mère. Kupitia mamako na baba yako. Tu es né dans le monde. Ulizalikia mudunia hii. N'est-ce pas? Et tiana vile. Bien que ulizalika mufami. Bien que tu sois né dans une famille. Bien que ulizalika mufami ya révérend Goindai. Bien que tu sois né dans la famille du révérend Goindai. Mais. Lakini. Dieu lui. Mungu yeye. Quand il te regarde. Kati na kutazama. Yeye kuna kona en Christ. Lui te voit en Christ. Na kuona ndani ya Kristo. Yeye kuna kona en Christ. Lui te voit en Christ. Maintenant, objectif ya Mungu. Sasa kifukuzio ya Mungu. Yeye kuna penda akurudishe. Il veut te retourner. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa. Yeye kuna penda akurudishe. Te retourner. Tafashi yako penye pale alikonaka. Là où il t'avait vu. Lisons. Tout somme. Adoption. Kubaliwa wa mwana. Page 82. Kartasi makumi munane na mbili. Okay. Sawa. Paragraphe 112, on commence un peu en bas. Nukta mia moya na kumi na mbili, tanzia kule chini kidogo. Oh! Japo. Il nous a predestiné. Alitangulia kututayarisha. Dans son amour. Katika upendo yake. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Tupate kwa batoto yake, bale alikubali kupitia Yesu Kristo. Selon son propre bon plaisir de sa volonté. Kufatana na kutaka kwa mapenzi yake yeye mwenyewe. Combien de plaisir? Mapenzi ngapi? De qui était-ce le plaisir? Na ile mapenzi yake ilikuwa ya nani? De qui était-ce la bonté? Ile wema ile ilikuwa juu ya nani? Le sien. Ya mbingu. Le sien. Mbingu bake. Juu ya bake. Ile upendo ilikuwa juu ya bake. Son propre bon plaisir de sa propre volonté. Kutaka kwa kama penzi yake yeye mwenyewe. Alors, sasa. Qu'est-ce que l'adoption? Kukubaliwa kwa mwana ni nini? Qu'est-ce que l'adoption? Kukubaliwa kwa mwana ni nini? Qui accepte l'adoption? Qui accepte d'être adopté? Nani anetikia akubaliwe kuwa mwana wa Mungu? Qu'est-ce que l'adoption? Sasa kukubaliwa kuwa mwana ni nini? On peut encore se poser la question, comment est-ce qu'on peut arriver à être adopté? Tunawezi kujiuliza tena, namna gani unawezi kufika mkukubaliwa kuwa mwana? C'est pas vraiment l'utopie, c'est pas aina mafikiri, aina mafikiri tu ya bumutu hapana. C'est pas vraiment seulement une connaissance. Aina ufahamu hapana. Nous devons travailler. Tunapasha kutumika. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'adoption? Kukubaliwa kwa mwana ni nini? Maintenant, je vais prendre ce point-ci. Sasa mimi napenda kuonekanisha hii nukta. Je n'aurai pas le temps de voir ça en entier. Sitakuwa na wakati ya kuona hii nukta mupana wala mutina yote. Mais je vais voir les grandes lignes. Lakini mtawezi kusemea yule manukta yenyewe ya munene kabisa kabisa. Amen. Amen. Écoutez. Musikilize. Votre adoption, kukubaliwa kwako, ce n'est pas votre naissance. Haina kuzalikwa kwako. Votre adoption, kukubaliwa kwako kuwa ce mwana, n'est pas votre naissance. Haina kuzalikwa kwako. Votre adoption, kukubaliwa kwako kuwa mwana, c'est votre placement. Ni kuweka kwako papazi. Quand vous êtes né de nouveau, wakati unazalikwa mara ya pili, je crois. Namini. Quand nous naissons de l'Esprit de Dieu. Wakati tunazalikwa kwa roho ya Mungu. Nous sommes fils de Dieu. Tunakuwa bana ba Mungu. Mais. Lakini. Nous avons été prédestinés. Tulitangulia kutayarishwa. Et voici ce à quoi j'essaye de vous amener. Natazameni kunye kule mnapenda kumifikisha. Les fils de ces derniers jours. Wana wa imasiku ya mwisho. Nous avons été prédestinés. Tulitanguliwa kutayarishiwa. À l'adoption. Kukubaliwa kuwa wana. Nous avons été prédestinés. À kutayarishiwa. À l'adoption. Kuwa wana. Bon, maintenant nous y sommes. Lakini sasa tujue kile tunakuwa. Voici ce qui froisse un peu les pentecôtistes. Tazameni kinye kuna kwaza sana wa pentecôtistes. Ils disent. Bobo konasema. Je suis né de nouveau. Niko mwenye kuzaliko mara ya pili. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. J'ai reçu le Saint-Esprit. Nilipokea Roho Mtakatifu. Très bien. Mzuri sana. Vous êtes un enfant de Dieu. Uko mtoto wa Mungu. C'est exact. Ni kabitrabiza vile. Seulement. Lakini. Ce n'est pas de ce que je parle. Haina njoo ile nyenye unasemea. Vous voyez. Unaona. Vous avez été prédestinés. Tangulia kutayarishiwa. À être adopté. Upate kukubaliwa kuwa mwana. L'adoption. Kukubaliwa kuwa mwana. C'est de donner la place d'un fils. Ni kukupatia sasa fazi ya kuwa mwana. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Et tunasikia mzuri. Il faut bien comprendre parce que maintenant quand on va commencer à travailler maintenant. Ni inapasha kusikia mzuri, juste sasa ndio tutaanza sasa kutumika. Kutumika. Nous allons maintenant travailler. Je viens à l'église, c'est pour mon salut. Ninakuwa kanisa ni juu ya wokovu yangu. Je prie, c'est pour mon salut. Ninaomba ni juu ya wokovu yangu. Amen. Amen. Je parle, c'est pour que Dieu m'agrée. Ninasema ni juu Mungu anikubali. Je suis en train de me vêtir, c'est de manière à être agréable à Dieu. Ninavala munamna kumpendeza Mungu. Donc, ce que je fais. Kwa bila ni unafanya. Je suis en train de le faire pour que Dieu m'agrée. Niko nafanya ili Mungu anikubali. Donc, nous l'engraissons. Je regarde. Donc, je peux faire comme l'humour. Ninawezi kufa utai na kwa saa. Pengine kama ninakusema. Wakati nikikusema, si je parle. Au lieu de déposer ton question. Baali akukuliza wewe. Est-ce que ninamusema bien? Ai-je bien parlé contre lui? Je vais poser peut-être la question à Dieu. Je vais mtauliza kwanza Mungu. Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que ninasema mzuri juu yake? Est-ce que j'ai parlé de manière à être agréable? Et tu ninasema nasema naye mnanakupendeza wewe. Moyo ya chini. J'ai parlé de manière assez simpliste. Est-ce que vous comprenez? Et tu m'asikia? Parce que si nous devons toujours, nous kama tunapata kila mara, exercer la pression, kutumia nguvu, kutonga, kutonga, msifanye. Msifanye. Là il n'y a pas, la conscience n'est pas encore réveillée. Pas les amis, aïe, amusha, là où la conscience est réveillée. Pas les amis, quoi, amusha, mais frère, c'est l'automatisme. Pas les, et là où il y a l'automatisme, la dynamique du Saint-Esprit se manifeste. Uwezo wa Roho Mtakatifu unaonekanika. Ne soyez pas lourd. Tu vois, bujito. L'adoption. Kukubaliwa kwa mwana. C'est de donner la place d'un fils. Ni kukupatia fazi ya mtoto ya Mungu. Maintenant. Sasa. Il dit encore. Anasema tena. Pour un peu relier avec ce qu'on a parlé hier. Njua kupatanisha sasa na bile tulisemea jana. Page 53. Kartasi 53. C'est pas un enseignement. Aina mafundisho hapana. Page 53, paragraphe 106. Kartasi 53, nukta 116. Écoutez bien ceci. Musikilize mzuri mzuri hii. L'élection. Kuchaguliwa. Regarde en arrière. Kunangalia kumkongo. Vers la prescience. Kumkutangulia kujua. Ah. Si je prends ça. Nikibeba hii esui. L'élection, n'est-ce pas? Kuchaguliwa. Dieu nous a connus. Mungu alitangulia avant la fondation du monde. Mbele ya dunia ipate kuwapo. L'élection. Uchaguzi. Comme Dieu nous a connus avant la fondation. Kwa vile Mungu alitangulia kutujua mbele ya misingi ya dunia ipate kuwekwa. C'est pourquoi il nous a. Ndio kama na alituchagua. N'est-ce pas? Amen. L'élection, ça c'est l'élection. Kuchaguliwa. Ça c'est l'élection. Hii ni kuchaguliwa. L'élection regarde en arrière. Kuchaguliwa kuko naangalia kumkongo. Regarde en arrière à la prescience. Kuchaguliwa kuko naangalia kumkutangulia kujua. Ah, kutangulia kujua. La prescience. Sabele Mungu alitangulia kujua. Comme Dieu le savait d'avance. Jomana anakuchakula. Raison pour laquelle il t'a choisi. Sabele anakuchakula. Alors comme il t'a élu. Mkutangulia kujua. Dans ta prescience. Na mkutangulia kujua. Et dans ta prescience. Amen. Amen. Shana kuchakula. Il t'a maintenant choisi. Sasa anakuangalia. Maintenant il te regarde. Anasema pour que Mungu yangu muonekane. Que ma divinité soit manifeste. Pour que Mungu yangu mie muonekane. Ma divinité à moi soit manifeste. Alors celui-ci. Ni mutayarishe aishi kizazi kane. Que je puisse le prédestiner à vivre dans quel âge. Est-ce que vous comprenez? Ni mutayarishe aishi kizazi kane. Le prédestiner qu'il puisse vivre dans quel âge. Comme il t'a connu bien avant la fondation du monde, alitangulia kujua mbele ya dunia ipate kuwako, il t'a élu, akakuchagua, et comme il t'a élu, sasa bila alikuchagua, il t'a maintenant prédestiné, sasa akatangulia kukutayarisha, il t'a prédestiné, anatangulia kukutayarisha, et il t'a prédestiné à quoi? Sasa alikutangulia kukutayarisha kunini? Dans le mot prédestination, mumusemo kutangulia kutayarishwa, il y a pré destiné. Mko kutangulia na kutayarisha. Donc ça dire. Ni kusema. Kuko matayarisho yako. Ya hii sasa ile matayarisho yako. Alors ce qui est préparé pour toi. Kuko elekeo yako. Alors il y a ce qui est prédestiné. Sasa Mungu anatangulia. Alors Dieu commence par. Kukutayarisha. Tu ya elekeo yako. Pour que tu atteignes ce qui t'a été prédestiné. La prédestination. Kutangulia kutayarishiwa. L'élection. Kuchaguliwa. Regarde en arrière. Kunangalia kumkongo. Vers la prescience. Mukutangulia kujua. Maintenant la prédestination. Kutangulia kutayarishiwa. Ne regarde pas en arrière. Kunangalia kumkongo hapana. La prédestination. Kutangulia kutayarishiwa. Regarde en avant. Kunangalia kumbele. Vers la destinée. Mukule mwisho yako. C'est ce que l'Esprit de Dieu dans cet âge nous dit. L'élection. Regarde en arrière. Vers la prescience. Et. La prédestination. Se tourne vers la destinée. Et le cœur yako. Il est qui t'est prédestiné. La prédestination. Kutangulia kutayarishiwa. Se tourne vers la destinée. Kukunangalia elekeo yako. Ah. Ceux qui l'ont connu d'avant. Wale alitangulia kujua. Amen. Amen. Ceux qui l'ont connu d'avant. Wale alitangulia kujua. Il les a aussi prédestinés. Alitangulia kuwatayarisha vile vile. À être semblable. Wapate kufanana. À l'image de son fils. Picha ya mwana wake. Afin que son fils. Ili mwana wake. Soit le premier né. Apate kwa mzaliwa wa kwanza. De ventu de frère. Ya wanduku wengi. C'est clair. Ni wazi. C'est clair. Ni wazi. Et ceux qui l'ont connu d'avance. Na wale ya litangulia kujua. Il les a aussi appelés. Akabaita vile vile. Ceux qui l'ont appelé. Na wale ya liita. Il les a aussi justifiés. Akawetabia vile vile. Ceux qui l'ont justifié. Na wale ya litabia kwa haki. Il les a aussi glorifié. Watukuza vile vile. Que direz-nous à l'égard de ces choses. Jua hii maneno. Si Dieu est pour kama nous. Kama Mungu ngambo yetu. Qui sera contre nous. Nani atawezi kutukombanisha. Amen. Amen. ni wazi. Ne l'oubliez pas. Musihisabu hapana. Ne l'oubliez pas. Musihisabu hapana. Que ya kwamba l'élection uchaguliwa. Regarde en arrière. Uko naangalia kumkongo. Voici. Tazameni. J'étais un gratteron. Nilikuwa ka gratteron. Je suis né dans le péché. Nilizalikiwa Muzambi. J'ai été conçu dans l'iniquité. Nilitungwa katika uovu. Je suis venu au monde en disant des mensonges. Nilikuwa muhudhuria mkusema uongo. Né au milieu des pécheurs. Nilizaliwa katikati ya watenda dhambi. Mon père, baba yangu, ma mère, mama yangu, et toute ma famille, na jamaa yangu yote, c'était des pécheurs. Walikuwa ni watenda dhambi. J'étais un gratteron. Nilikuwa tu gratteron mwenye mtu mpatenda mabaya. Kitu cha bure, mayani ya pori. J'étais seulement une bête sauvage. J'étais seulement vile. Mirzalika waovyo. Je suis né ville. Mirzalika waovyo. Je suis né ville. Mirzalika mubaya. Je suis né d'une mauvaise manière. J'étais un gratteron. Nilikuwa tu mtu wa ovyo. Mais Dieu lui. Lakini Mungu yeye. Quand il me regarde. Wakati ananitazama. Dieu lui ne voit pas le gratteron. Mungu yatione hali yangu ovyo. Dieu lui il est en train de voir la graine de blé. Beko ya ngano. Sasa kutaka kwa Mungu. Mena la volonté de Dieu. Soupire ya Mungu. Kugua kwa Mungu. Kukuye chile ye eko naona. C'est que tu sois, c'est que lui est en train de voir. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Kutaka kwa Mungu. La volonté de Dieu. Soupire ya Mungu. Kugua kwa Mungu. Kuya chile Mungu anapeke. Chile Mungu eko naona. Tu sois, c'est que Dieu est en train de voir. J'étais un gratteron. Nilikuwa tu mtu wa ovyo. Mais, lakini, tout à coup, kwa rafla, je suis devenu un grand blé. Nikakuwa mbeko ya ngano. Comment est-ce que ça arrive? Je, ile mambo kunafika? Ça, hii, qu'est-ce que c'est? Maana yake nini? L'élection. Kuchaguliwa. Qu'est-ce que c'est? Ni mambo gani? L'élection. Kuchaguliwa. Dieu, Mungu, avant la fondation du monde, bila misingi ya dunia ipate kuwekwa, par élection, kwa kuchaguliwa, il a décidé, akabeba mpango, que le gratteron, kwamba huyu mtu deviendra un grain de blé, waka mbeko ya ngano. Église, est-ce que vous êtes là? Kanisa, munafata. Est-ce que vous voulez rester ce que vous êtes? Eh, tunapenda kubakia kile huko. Vous voulez devenir quoi? Unapenda kuwe nini? Vous voulez devenir qui? Unapenda kuwe nani? Mbeko ya ngano. Agissons maintenant comme des fils et fidèles. Sasa tutende sa wana na wabinti ya Mungu. Marchons de manière à être agréable. Munamna ya kumpendeza Mungu. Parlons de manière à être agréable. Tuseme munamna ya kumpendeza Mungu. Je ne regarde pas à ton origine céleste. Mungu asiangalie kule utoka. Je ne regarde pas à ton origine terrestre. Mungu asiangalie kunyolo kutokea pa dunia. Je regarde à ton origine. Mungu anaangalia kule ulitokea ka kule kumbingu. Tu as une origine. Wako na kule ulitokea. Quelle origine que tu as? Na ile kule ulitokea wewe. L'origine que tu as? Kule ulitokea wewe. Ne viens pas de la terre. Akutoke pa dunia. L'origine que tu as? Kule ulitokea du ciel. Ulitokea ka ni kumbingu. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki, Mungu emibariki. Je remets la chair au pasteur. Narudisha mimbari kwa pastori.